Manon. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, bandi à la planète, à la familia, j'espère que vous allez bien. Ça caille un petit peu ce matin, des températures négatives. Au lever du jour, hein, moins 1, moins 2, moins 4 au lever sur Orléans, Pithiviers, Saint-Jean-de-Bray. Couvrez-vous ce matin. La bonne nouvelle, c'est que le soleil sera là toute la journée. Il va briller, comme on dit, hein, ça va nous réchauffer un peu l'atmosphère. On va dépasser quand même les 6, voire 7 degrés. Et le soleil sera bien là, présent quasiment toute la journée. Ça va faire du bien, réchauffer notre petit cœur. Justement, parlant de cœur, la semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin. J'espère que vous avez préparé la petite soirée qui va bien. Que ce soit vous ou elle, hein, une petite soirée en amoureux, peut-être, au coin de la cheminée, dans un resto. Vous avez des bons plans, bien appelez-nous. Tiens, 02 38 43 48 00. Bandit à la planète et la familia. On est en direct et Marquito qui arrive. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. On vous réveille de Portugal, Bandeia et Marquito Lusitano. É vida do povo, meu. Já são 7 horas, estou atrasado, para ganhar notas, estou desesperado. Eu sempre ouvi dizer, não há nada sem trabalho, a demora, o que é pecado, chegou a hora, já estou cansado. Já chegou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar, eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia, deixa andar a magia. Vou te dizer quem eu sou, lusitano, cheio de amor. Orgulhoso eu vou, um conquistador ser bom. Sem trabalho a demora, o que é pecado, chegou a hora, já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que é viver. Gosto do fim de semana. Radio Soleil, dès 7h avec Francky.

soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Ouais, on est là pour vous réveiller hein, avec des températures un petit peu négatives ce matin, ça caille un petit peu, couvrez-vous. Hein. Ouais, ouais, si vous n'êtes pas encore parti, vous êtes dans la voiture, vous avez oublié l'écharpe, le bonnet, bah allez-y, hein, lâchez-vous parce que ça va faire un petit peu froid aujourd'hui, on va dépasser les 7 degrés. Et n'oubliez pas, le bal de la Saint-Valentin, le bal de la radio, c'est samedi, faire la fête avec vous, avec Coca and Dance hein, qui seront là, on fera la fête avec tous les animateurs samedi à Montission. À partir de 20h30, vous voulez réserver des tables, eh bien vous m'appelez tout de suite, là je vous filerai les coordonnées de la bonne personne à contacter. 02 38 43 48 00, vous m'appelez au standard 02 38 43 48 00. Si vous voulez réserver votre table pour samedi, le 11 février à Montission, le grand bal de la Saint-Valentin de la radio Coca and Dance, hommage à Linda de Souza, ils seront sur scène, et bien ils arrivent justement, Coca and Dance sur Radio Arc-en-Ciel. Bandit à la planète et la familia, 7h15 minutes. Arc-en-Ciel, 7h18 minutes à la salle de Montission à Saint-Jean-le-Blanc. C'est ce samedi, Toka and Dansa sur scène. Vous voulez réserver des tables, appelez-moi tout de suite, la 02 38 43 48 00. Belle journée, Bandia la planète. Faço explodir no ritmo.

Yeah, bon dia, Claire qui vient d'arriver sur Orléans, qui part travailler, commence à 8h. Belle journée à toi, avec du soleil, vous savez, ça caille un petit peu, couvrez-vous. Mais le rayon du sol est là, Rui Bandera et Lucula, dit à mort, bon dia la planète. Votre réveil matin, c'est Francky. Allez, 1, 2, 3, à la lila, bouge dans la tête Nous bouteilles d'hiver, nous vaudra dans la tente, nous la libater. Nous pourrons les dans l'idité. T'es un petit dingue, ma ravane, ça couille, ravane, fais battre les reins, la rapée, vous ira, nous les nous n'amener. Sentez danser pour nous amuser. C'est ça! Mettre la foi dans tous les quais. Vini danser, pas besoin de tomber. Ici c'est grâce à nous dansons frais. De Paris à l'île aux 7h34, belle journée, bon courage à vous, c'est de l'OTAF ce matin. Ah, ça gratte un petit peu le pare-brise, hein, bah, y en a qui ont pas le garage, hein. Y a Antoine, il nous a envoyé un petit message. Moi, ça va, j'ai le garage, donc pas de grattage, hein. En tout cas, belle journée, petit-déj peut-être pour vous, Jérôme, qui nous dit, moi, je suis au petit-déj ce matin, Francky Café, je commence à 9h, je me suis déjà levé. Ah, et le mec, il se lève de bonne heure quand même. Le meilleur des souvenirs pour bien vous emmener au boulot ce matin, avec, ce duo qu'on adore, Enrique Iglesias et Nadia. Le face à ton destin, laisse le destin l'emporter. Turing or being sorry. Belle journée et bon réveil. You wanna follow me tonight? When the rest of the world, with whom I've crossed an accord, laisse-toi tomber. L'histoire à sauver, sans plus chercher à t'excuser. Beneath the silver moon. Yeah. je n'ai pas pleuré pour toi ce matin. 7h38. Salut Dad. Salut Camille qui est là. Salut Nana. Il y a du monde ce matin. Merci d'être aussi fidèle tous les matins. Nous retrouver sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. On est en direct. Je t'emmène. Rayon bah oui, soleil, on vous emmène. Dès 7h sous le froid ce matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Eh, c'est pas chaud, hein, c'est ce que nous dit José. Ça caille ce matin, j'ai gratté le pare-brise. Bah oui, ça y est, hein, il faut. C'est bien Daniel aussi qui va au taf ce matin sur le 96 FM. Avec le soleil qui va faire fondre la glace, j'en suis sûr. Daddy Yankee, Doula, Doula. Belle journée, bon courage et bandi à la planète. Baile, si no te da nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume es Daddy Yankee. Ça fait du bien ce matin comme ça pour vous retrouver à 7h45. On est en direct sur le 96.2 FM. Belle journée, courage à vous pour le taf ce matin. Pas facile hein, avec ces températures un petit peu négatives, mais le soleil va faire son apparition tout au long de la journée. Et ça, c'est la bonne nouvelle. L'Aziza, le remix 2023, on adore. C'est déjà sur Radio Arc-en-Ciel. Remixé par la belle vie, l'Aziza 2023, Nora, Claude François aussi, Magnolia tout à l'heure, 2023, que des DJ en ce moment qui se mettent au boulot, enfin, c'est leur taf en même temps. Hein. Renette là, Francky dans la radio, Stéphanie qui est là, salut Stéphanie, belle journée, au petit déj ce matin, je commence dans 10 minutes, je suis dans le, devant la porte du bureau, j'attends que ça ouvre. Ah bah voilà, avec Carmaleon qui arrive, Paul Keteras. Tu vois, je sais plus comment faire pour vivre.

arc-en-ciel, Céline Dion, non à Calibou, il fait écaille en ce moment au Canada. J'ai un pote qui est là-haut au Canada, sérieux. Il m'envoie des petits messages là-haut, et c'est la neige, hein. C'est à fond, puis ça caille, hein. Ça pèle. Hein. Il aurait eu 84 ans, c'était en début de semaine, le 1er février, il aurait fêté ses 84 balais clou-clou. Le mythique danseur de disco, le créateur du disco en France. Voici le remix 2023. Écoutez bien, c'est déjà sur l'arc-en-ciel de Magnolia Forever. Il aura eu 84 ans. Eh, ça passe. Clo-Clo 2023 sur l'arc-en-ciel. J'adore ce titre, il est électrique je trouve. Claude François, j'étais en train de changer d'ampoule là-haut, une ampoule à LED. Je vous dis, je voulais pas faire le remake de Clo-Clo. Hein. Eh ouais, on est bien ce matin, c'est Francky, le petit, dans la radio. Bah, je voulais pas dire le mot. Salut Joël, merci pour ton petit second, qui sympatoche. On vous souhaite une très très bonne matinée avec Clo Clo, Magnolia Forever, remixé par Fred Felk. Le petit remix 2023 pour les 84 ballets de Claude François. Normalement, s'il avait su changer l'ampoule, il serait peut-être encore là aujourd'hui. Direct sur l'île de la Réunion avec nous. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Franck, comment ça va? Ça va, ça t'a mis dans l'ambiance, Claude François? Ah oui, Claude François, oui. Ça te rappelle ta jeunesse? Ma jeunesse. Il est quelle heure à l'île de la Réunion, là? Il est 11h. 11h du matin, il fait combien de degrés? Il fait 28 degrés. Ah la vache, bah chez nous, il fait moins 1, moins 4, ça va? D'accord. T'avais envie de nous foutre les boules ce matin, c'est ça? Hein, oui, c'est ça. Non, il fait très chaud. Il fait déjà très chaud ce matin. On te rend au téléphone parce que bah t'as mis en place une petite cagnotte litchi pour la petite gamine, ouais, Léonie. Oui, voilà. Ouais, il y a des fonds. Voilà. Ça commence à monter tout doucement. Mais... Ah, voilà, c'est vraiment timide. Ouais. Et c'est vrai qu'il reste plus que 29 jours et voilà. Ma crainte, c'est qu'il n'y ait pas grand monde qui participe à son soutien. Bon, bah, c'est pour ça que je voulais t'entendre une fois par semaine, au moins relancer un peu le truc. Pour te filer un petit coup de main, ma chérie. Ouais. Voilà, si vous êtes de l'autre côté de la radio, si vous voulez filer un petit coup de main pour la cagnotte Litchi pour qu'elle rentre en France. Puisse rentrer avec tout son matériel médical, surtout. Bah oui, c'est ça, c'est surtout ça. Il va partir par bateau ou ça va mettre 2 mois avant d'arriver. Elle a quel âge, Léonie? Léonie va avoir 13 ans, bien sûr. 13 ans, ouais. Et donc, comme tu le disais, hein, le mieux, c'est ici, hein, tu vas rentrer à Orléans. On est mieux. Ils sont en charge à La Réunion, malgré qu'on ait un beau paysage, le soleil, la mer. Bah ouais. La prise en charge est zéro pour les enfants, en fait. Bah ouais. Donc, c'est beau. C'est pour ça que je suis dans l'obligation de revenir en métropole, quoi. En fait, ouais. Pour au moins caler ce qu'il faut pour pouvoir continuer sa petite vie. Bah ouais, qu'elle passe une belle vie quand même, la pauvre. Qu'elle puisse se projeter dans son avenir, dans tout ça, parce qu'ici, on n'arrive pas. On n'y arrive pas. Et pourquoi il n'y a pas tous ces moyens à La Réunion? Alors, parce que déjà, nous sommes en pénurie d'orthophonistes, alors qu'elle a besoin de 3 séances par semaine. C'est pas normal, ça, quand même. Hein. C'est pas normal. On est sur liste d'attente. Ouais. On est sur liste d'attente. Les hôpitaux sont en pénurie. Enfin, ouais. Voilà. 2 ans et demi pour avoir un neurologue alors qu'elle est épileptique. Oui, quand même. Pour ouais. avoir un rendez-vous. Oui, non, c'est quand même phénoménal. Ouais. Et puis, tout ce qui est prise en charge scolaire, ils prennent des copains non diplômés qui connaissent rien au handicap. Ouais, ouais, ouais. Ce qui fait que ma fille se retrouve pas en sécurité. Mmh. Elle le prend comment, la petite Léonie de 13 ans? Alors, la dernière réunion pluridisciplinaire où elle a participé, elle a dit à 15 personnes devant elle: je sais très bien que vous ne voulez pas de moi ici. Ah ouais, carrément, ouais. Voilà. Bbon, elle a toute sa tête et voilà. Et elle ouais, parle, donc, bien sûr. Voilà, donc c'est que le handicap moteur. Du coup, elle leur a dit: je vois bien que vous voulez pas de moi ici, parce que là, ils ont interdit la piscine, ils ont interdit le sport. C'est triste, ouais. Bah ouais, carrément. Elle est mise à l'écart, quoi. La hein. cantine, ouais. parce qu'elle est allergique à la framboise fraîche. Mais à La Réunion, on ne va pas servir de la framboise fraîche à 500 élèves. Hein. C'est clair. Donc, elle ne mange pas la cantine à cause de ça. Ouais. C'est triste, quand même. Hein. Voilà. Ça fait pitié, quoi. En tout cas, j'essaie de te filer un petit coup de main. Voilà, je lance le message encore s'il y a des personnes qui sont intéressées pour lui filer un petit coup de main. Il y en a pour combien, la totalité, tu m'avais dit? Il y en avait pour 3 500, je crois. Ouais, 3 500 balles. Ouais. D'accord. Eh ben, écoutez... on en est sur la cagnotte Litchi, je vous cache pas, on est à 170 euros. Bon, il manque un petit peu quand même, hein. On va essayer il de. Il manque un petit peu quand voilà, même. Si vous êtes entrepreneur, vous voulez, en plus. Presque 5 euros, enfin, voilà. Ouais, même 100, même 200, je veux dire. Parce que je sais que les entreprises, c'est des déductibles des impôts. Je crois que c'est déductible des impôts, ça, normalement, si tu fais un don. Oui, en plus. Ouais. Donc, voilà. Donc, on attend volontiers votre soutien. Votre voilà. Stage. Et ben on va lancer le message encore hein, pour tu filer un petit coup de main à toi et puis à ta petite fille. Et puis, on hâte de vous voir sur la métropole hein, pour vous faire un petit bisou. On passera à la radio. Et ben avec plaisir. Hein, t'es la welcome. Hein. Ici, tout le monde vient. Tu sais qu'elle était venue au Nova hein, quand il y avait. La fête des handicapés, là. Et justement, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y aura Cindy qui sera avec nous au téléphone à 8h30 pour nous parler parce que c'est aujourd'hui, c'est à 14h30 là, pour tous nos amis handicapés qui viennent danser, faire la fête en discothèque. Super, ça va continuer, ça c'est vraiment top. C'est génial parce que franchement les gamins ils en prennent plein les yeux et je suis fier d'être le DJ de cette belle après-midi. Moi je suis trop contente aussi d'avoir participé à tout ça aussi en tant qu'éducatrice. Je t'avais vu et franchement quand je vois les gamins le sourire, j'ai un pressentiment qu'ils ont plus envie de partir hein, à 5h. Hein. Ah non, ils veulent rester. Bon Marie-Hélène, on lance ce cri d'appel. En tout cas, à vous tous, et je fais appel à votre générosité et pour Léonie. Voilà. Eh ben, fais des bisous à Léonie et puis on continue le combat un petit peu. Nous, on va continuer. Merci. Ok. Merci. Bonne journée. Salut Marie-Hélène. Belle journée depuis l'île de la Réunion. Il fait 28 degrés. Les boules, hein. Belle journée. Au revoir. Ciao. Bonne journée. Et puis nous, on continue avec. Bah aujourd'hui, il fait 28 degrés, mais pas ici, hein, à l'île de la Réunion. 28 degrés à l'ombre. Le remix. Et vous l'adorez. Un petit coucou à Joël et Olivier qui l'adorent aussi, ce petit remix. On est en direct ce matin, 8h06. Je m'appelle Francky, le petit dev dans la radio. On est sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée. Bon réveil. Degrés à l'ombre, ça fait du bien au réveil. Nous, il fait moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 degrés. Mais alors, la météo aujourd'hui, ben, on va faire un petit point avec du soleil. Ça, c'est la bonne nouvelle. La météo. Alors aujourd'hui, ça caille un petit peu. Hein. Vous avez peut-être gratté sur le pare-brise si vous n'avez pas de garage. Les températures, moins 1, moins 4 degrés sur les petites campagnes. On va dépasser les 7, voire 8 degrés aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que le soleil devrait faire son apparition tout au long de la journée. Et ça, ça va faire du bien. Colonel Rayel qui arrive, celui qui partage ta vie, bah c'est moi. On est là en direct, 8h09. Je n'en sortirai pas inerte, car tu as ton copain et tu tiens à lui, c'est net. Mais girl, écoute ça.

descansar toda noite. Bon réveil et belle journée si vous venez d'arriver du côté d'Orléans. On est mercredi, c'est le jour des enfants. Aujourd'hui, profitez de vos petits bouts. Hein, c'est ce que me dit Elodie. Ça y est, je profite de mon petit aujourd'hui. Je suis en repos, je le câline, je le chouchoute. Bah ouais, allez-y, du son qui arrive avec avant sous la Quando Volvanas. Notre invité à 8h30, ce sera Cindy. On va parler de cet après-midi spécialement pour nos amis qui ne peuvent pas aller en discothèque le week-end. Mais là, c'est consacré pour justement ces personnes handicapées et qui vont faire la fête aujourd'hui sur une discothèque orléanaise, et ça va faire du bien, et ça leur fait du bien, je peux vous le dire. Le sourire, la bonne humeur, la joie pour ces personnes à mobilité réduite qui ont leur après-midi dansante sur Orléans. Quando Volveras, Bandi à la planète et bonne journée à vous. Francky dans la radio, belle journée sous le froid aujourd'hui, -1, -2 au lever du jour, mais le soleil fera son apparition tout au long de la journée. Et puis vous qui avez été voir Astérix et Obélix, le film déjà qui a dépassé les millions d'entrées, si vous avez été voir le film, est-ce que vous avez trouvé ça bien ou pas, vous m'appelez 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard et on les adore. Voici Loco, Justin Kiras, Timbala Zion, Lennox sur Radio Arc-en-Ciel. Vous allez adorer, j'en suis sûr. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así. Me quedé mal. semana tú eres pa' mí. Cuando lo muevas así, tú encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo muevas así, tú encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Ay, yo tranquila, mamá. Al rayos del sol, son Justin Killers, Timbala, Zion Lennox, Loco, 8h22 en direct ce matin. Coucou à Alfredo qui est connecté sur Orléans. Je vais au taf, Francky, je commence dans 5 minutes. Bandi à la planète. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et ce week-end, le bal de la Saint-Valentin, c'est à l'espace Montition, hein, Saint-Jean-le-Blanc, faire la fête avec nous, avec vous aussi de l'autre côté de la radio. Samedi 11 février, le bal de la Saint-Valentin. Sur scène, Toca and Danza, qui vont mettre le feu. Il y aura un hommage aussi à Linda de Souza. Pour réserver vos tables, n'hésitez pas à m'appeler à la radio, 02 38 43 48 00. Si vous voulez réserver une table pour samedi soir à Montition, 02 38 43 48 00. Et je donnerai les coordonnées à la bonne personne. Toca and Danza, ils seront sur scène samedi pour le bal de la Saint-Valentin. Ben, ils arrivent tout de suite. Toc, toc, toc, allez-y, voilà. Sur la scène de Radio Arc-en-Ciel, samedi 11 février, le bal de la Saint-Valentin. Bueno.

8h34 avec Alicia Keys. No one, no one, no personne. Personne l'invité du jour. Elle arrive au téléphone, c'est Cindy. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. C'est maintenant. Bonjour Cindy. Bonjour Francky. Oh, quelle petite. Bonjour à toutes et à tous. Quelle petite voix ce matin au téléphone. Ah, bah ça, c'est le réveil. Hein. Ça va, c'est pas trop dur le réveil comme ça le matin? Non. En pleine forme. Déjà, depuis un petit peu déjà. Voilà, on s'est dit on va s'appeler parce que cet après-midi à 14h30 à Orléans, la discothèque Le Nova, va se passer de belles choses. Dance Hand, c'est pour les personnes handicapées. Ça a été créé il y a combien de temps, Cindy ? Ça a été créé maintenant, ça va faire 3 ans maintenant. Ouais, 3 ans, ça passe. On a fait une pause avec le Covid. Et ouais, malheureusement, le Covid, hein, comme beaucoup de choses, a fait du mal. Oui, beaucoup, beaucoup. Alors, quel est le but justement de cet après-midi en discothèque pour les personnes à mobilité réduite et handicapées aussi? Donc en fait, le but de cet après-midi, c'est de pouvoir créer de la socialisation, de l'autonomie, des après-midi où ils peuvent se retrouver tous ensemble et danser, chanter, rire, créer des relations, de l'inclusion, des liens entre les établissements. Voilà, tout plein de choses, de la danse, de la valorisation de soi, du bien-être. Ouais. Et de bonnes choses qui n'ont peut-être pas ou. Dans les foyers, etc. Ouais. Ça les sort un peu du quotidien aussi, hein. Il y a tout à fait ça. Il y a des personnes qui ne sont jamais allées en boîte de nuit, hein. Hein, jamais de leur vie, ouais. Et là, c'est vrai que moi je participe aussi, hein, j'anime. Et c'est vrai que quand on voit ces enfants qui arrivent ou ces adultes aussi, on voit dans leurs yeux, ils sont épanouis. C'est le bonheur. Ouais. On voit des étoiles. C'est un bonheur pour eux. J'ai eu plein de retours d'établissements qui m'ont dit c'est une bouffée d'air frais pour eux. Et voilà, il faut pas arrêter, il faut continuer. Donc j'espère que ça va continuer encore pendant pas mal d'années. Et ouais, j'espère. Est-ce que, justement, tu dis que j'ai des retours, est-ce que tu penses que médicalement, après je sais que t'es pas médecin, est-ce que médicalement ça leur apporte aussi un bien-être, peut-être que ça aille mieux dans leur tête, ils sont plus épanouis, ils ont envie de faire plus de choses peut-être? Bien sûr, de toute façon, on travaille aussi beaucoup autour de l'inclusion, la socialisation. Avec le handicap, et je pense que le fait de pouvoir venir une après-midi comme ça et de pouvoir s'éclater sans regard, sans jugement, et puis de pouvoir rencontrer du monde, ça peut faire que du bien. À nous, ça nous fait du bien, à eux, ça leur fait du bien aussi. J'ai une question de Valérie. Valérie, attends, est-ce que tout le monde peut venir justement à cet après-midi dansant, ou est-ce que c'est réservé qu'aux associations et aux personnes handicapées? Alors, tout le monde peut venir. Ce qui est bien, c'est que c'est ouvert pour tous et à tous. Et voilà, je pense que plus on sera dans l'inclusion et mieux ce sera, plus on sera dans la socialisation et mieux ce sera. Donc voilà, c'est ouvert à tous. En tout cas, félicitations à toi. À toi aussi, Francky. Ouais, bah, y a toi, surtout, c'est toi à la base. Hein. Puis il y a Seb aussi, on salue Seb au passage. Il y a Seb aussi, et c'est aussi grâce à lui qu'on a les portes ouvertes du Nova. Ouais, Y a Seb aussi qui s'investit et qui est là tous les mercredis. Et aussi saluer les gens qui viennent travailler bénévolement, parce que c'est tous des bénévoles. Hein, voilà, on est tous des bénévoles. Et on fait ça pour nos amis, pour qu'ils s'éclatent pendant 2-3 heures, parce qu'ils ne restent pas toute la journée. Hein. Il y en a qui me demandent si est-ce que c'est dur toute la journée. On va dire c'est 2-3 heures à peu près. C'est ça. Et puis, c'est pareil, je voudrais rebondir un petit peu, Francky, sur le fait que l'entrée elle soit payante. Ouais. Elle n'est pas payante pour nous payer nous, mais elle est payante pour pouvoir créer des projets. Voilà, et c'est pour ça. Pour que Seb puisse contacter des robots, des artistes, voilà. Voilà. Quand on aura une bonne enveloppe, on pourra. Bah oui, parce que la dernière fois, il y a un robot qui est venu, donc il vient. Bah, il y a les photos, il y a les robots, et puis essayer de donner de la lumière à ces jeunes personnes, ces adultes aussi. Et puis, essayer de faire des belles choses, hein, de changer un petit peu de temps en temps. Ouais, ça fait du bien. Exactement. De toute façon. Ça peut que leur faire du bien, et puis aux animateurs, enfin aux éducateurs aussi. Les éducateurs sont très investis pour cet après-midi-là, et franchement, je les remercie aussi beaucoup. Voilà. Bon, bah rendez-vous à 14h30 alors. Rendez-vous à 14h30. On va faire la fête comme tous les. Alors, on va rappeler les dates. C'est les premiers mercredis de chaque mois, hein. Alors non. Non. Non. Parce que donc aujourd'hui on est le 8, donc ça sera aujourd'hui. Au mois d'avril, ce sera le 5. Le 5, ouais. D'accord. Au mois de mai, ce sera le 10. Au mois de juin, ce sera le 7 et au mois de septembre, le 6. Voilà. On n'est pas vraiment sur ouais, ça, je disais, c'est à peu près. Après, il y a toutes les infos sur le Facebook, le Dance End. Hein, oui, voilà, toutes les dates sont indiquées sur le Facebook Dance End. Voilà, et vous pouvez aller voir ça. Et puis... le projet, tout ça avec toutes les dates, l'organisation, le tarif. Le déroulement et puis les personnes qui sont bénévoles et voilà. C'est ça. Bon bah belle journée et puis à tout à l'heure alors. À tout à l'heure, tranquille. Belle journée à vous tous. Merci. Du son qui arrive. Au revoir. Bye bye. Le son double asile avec Alex Ferrari. Passez une belle journée. Bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere, é Alex Ferrari fazendo bara bere. Então fazer assim ó, bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere, é Alex Ferrari fazendo bara bere. Então fazer assim ó, bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere, é Alex Ferrari fazendo bara bere. Cantando comigo mais ou menos assim. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Só vocês, vai. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. C'est pas foulé pour les paroles, hein. Bala, bala, bele, bele, Alex Ferrari du Brésil. Bon dia, courage à vous si vous allez au taf. On vous souhaite une très très belle journée sur Orléans. Côté ciel, ça va, à peu près. La météo. La météo pour aujourd'hui, ce mercredi, le ciel est couvert nuageux en début de matinée, mais le soleil va faire son apparition tout au long de la journée. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Normalement, toute la journée, il va y avoir du soleil. Par contre, ça caille un petit peu ce matin. Moins 1, moins 2 degrés. Les températures ne dépasseront pas les 5, voire 7 degrés sur Orléans, Pithiviers, Saint-Jean-de-Bray ou La Chapelle, Saint-Mémin. Mais le soleil, tout au long de la journée, sera là et ça va nous réchauffer le cœur. Et ça fait du bien. On l'adore, on les adore. Rek Maluma sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et courage à vous pour le taf ce matin. Ojos para que veas lo hermosa que eres.

les années 80, Slave to Love, Brian Ferry, l'amour est un esclave, ou l'amour est-il esclave? Ah, réponse, le 14 février, peut-être pour vous, la Saint-Valentin, n'oubliez pas de faire le petit cadeau qui va bien, hein, ou d'inviter dans un bon resto. Bah, ça fait plaisir toujours. Hein. Un bon resto, et voilà, et tout, le tour est joué, normalement. Kid V qui arrive, c'est le nouveau, c'est Ne pars pas, c'est sur Radio Arc-en-Ciel, le nouveau, Kevin Kid V. Reviens-moi, je suis prêt à faire n'importe quoi. Je peux perdre tout le monde, mais pas toi. Oh non, ne pars pas, s'il te plaît, reviens-moi. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Je peux perdre tout le monde, mais pas toi. Oh non, ne pars pas. J'aime pas les frontières que tu délimites. J'ai tant besoin de toi. Je te veux à mes côtés. Je m'en veux t'en avoir fauté. Oui, pardonne-moi. De t'avoir mis sur le côté. Ta douleur, laisse-moi la ôter. Oh bébé, fais-moi confiance. Mes mots prendront un sens. Laisse-moi juste une chance de te le prouver. Soleil dès 7h avec Francky. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. plein de tendresse, de douceur avec Ellie Goulding, la bande originale du film. Vous la connaissez par cœur, Love Me Like You Do. Ne ratez pas, c'est samedi le 11 février, le bal de la Saint-Valentin de la radio. Toca & Danza, ils seront sur scène. Un hommage aussi à Linda D'Souza. 11 février, c'est à Montition, 20h30. La belle soirée avec Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, à demain, 7h, 9h. Voici Toca & Danza. En fait, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau.